Mais mon cousin a très bien pris ce désagrément, répondit la cousine. Pas possible, dit Crevel en s'arrêtant dans sa marche semblable à celle d'un balancier de pendule. Monsieur Hulot est d'un certain âge, fit malicieusement observer Lisbeth. Je le connais, reprit Revel, mais nous nous ressemblons sous un certain rapport. Hulot ne pourra pas se passer d'un attachement. Il est capable de revenir à sa femme, se dit-il. Ce serait de la nouveauté pour lui, mais adieu ma vengeance. Vous souriez, mademoiselle Fischer. Ah, vous savez quelque chose ? Je ris de vos idées, répondit Lisbeth. Oui, ma cousine est encore assez belle pour inspirer des passions. Moi, je l'aimerais si j'étais un homme. Qui a bu boira ? S'écria Crevel. Vous vous moquez de moi. Le baron aura trouvé quelque consolation. Lisbeth inclina la tête par un geste affirmatif. Ah, il est bien heureux de remplacer du jour au lendemain Josepha, dit Crevel en continuant. Mais je n'en suis pas étonné, car il me disait, un soir à souper, que dans sa jeunesse, pour n'être pas au dépourvu, il avait toujours trois maîtresses. Celle qu'il était en train de quitter, la régnante, et celle à laquelle il faisait la cour pour l'avenir. Il devait tenir en réserve quelques grisettes dans son vivier, dans son parc aux cerfs. Il est très Louis XV, le gaillard. Est-il heureux d'être bel homme ? Néanmoins, il vieillit, il est marqué. Il aura donné dans quelque petite ouvrière. Oh non, répondit Lisbeth,